Rien de vouloir ma gloire, fils. J'suis trop rapide, ils sont dans ma matrice. Je le fais pour la patrie. Si tu as gombo, c'est parce qu'ils n'ont pas mon prix. En fait, c'est un œil épeupelé. Les protagonistes sont squelettes. Le talent circule dans mes veines. J'ai Maradona roi pelé. Y'a personne qui va t'appeler. Tu fais du rap de travaux champêtre. Pour le rap ivoire, je pèse mes mots. Ils arrivent pas à me suivre à la lettre. Bande de femelles ont dit de montrer vos talents, c'est vos culs vous écartent. Je vais vous montrer comment faire, je suis fatigué d'écouter vos albums éclatés. Rap reverse, j'ai grêle, c'est toute la conspiration qui coordonne. C'est Shogun, le président, les rappeurs se plaignent à la Sorbonne. On prend les mêmes, on recommence, mauvais garçon, au visage d'ange. On prend les mêmes, on recommence, on fait du rap et puis tu danses. On fait ça bien, qu'est-ce que t'en penses? On prend les mêmes, on recommence, on recommence. De frustrés, on prend les mêmes, on recommence, mauvais garçon, au visage d'ange, on prend les mêmes, on recommence, on fait du rap et puis tu danses, on fait ça bien, qu'est-ce que t'en penses, on prend les mêmes, on recommence, on prend les mêmes, on recommence, on recommence. Ah.